dirait bim bim. Et je bénis celui-là. Tunisien fier, lève ton bras en l'air. Si t'as pas de bouteille, mais Ali, je lève ton verre.